et unique Dieu et repens-toi de tes péchés. De cela, il apparaît que Dieu commence d'abord par la connaissance avant la parole et l'action. Donc, on reprend ce chapitre depuis le début. L'auteur, il dit « I'lam rahimakallah » « Sache qu'Allah te soit clément ». C'est un discours, pas seulement à l'étudiant, pas seulement à celui qui lit son ouvrage, c'est un discours qui est dirigé vers tous les musulmans. Chaque musulman et chaque musulmane est concerné par cette parole « I'lam rahimakallah » « Sache qu'Allah te soit clément ». C'est une belle parole, une bonne formule pour attirer l'attention de ce musulman de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, car il va lui parler, il va lui citer des choses qui sont très importantes, qui sont les plus importantes, qui sont les trois fondements de l'islam, de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna, qu'il est un devoir, une obligation pour nous. Pour nous qui ? Les musulmans. Pour chaque musulman, il est un devoir de connaître ces points-là essentiels. Car l'islam est une religion universelle. Toute l'humanité doit apprendre ces choses-là. Car toute l'humanité a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend d'eux qu'ils l'adorent. Et pour l'adorer, il faut qu'ils apprennent. Pour qu'ils l'adorent, hein, avec clairvoyance. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. Il faut qu'on apprenne, et c'est un devoir pour nous de les apprendre, quatre choses essentielles. الأولى, la première chose, c'est العلم, c'est la science. Pas n'importe quelle science, c'est la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on apprenne. Et la science qui nous est profitable pour ce bas monde et pour l'au-delà. C'est cette science-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de connaître. Cette science sur laquelle l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit « Al-ilmu qala Allahu qala Rasuluhu qala Sahabatu » La science, c'est Allah a dit, son messager a dit, ses compagnons ont dit. Et ces domaines-là, tout le monde doit les apprendre, petit ou grand. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, on apprend depuis notre tout jeune âge, et ceci jusqu'à la mort. Et c'est pour ça que disait le poète, « Al-ilmu in talabtahu kathiru, wal-umru an tahsilihi qasiru, faqaddim al-ahamma minhu fal-ahamma. » La science, si tu la demandes, elle est énorme. Et la vie, pour amasser cette science, elle est trop courte. Donc, fais passer en premier le plus important au plus important. Donne priorité au plus important au plus important. Et il n'y a pas plus important que de connaître son créateur, de connaître son prophète, alayhi wassalam, et de connaître sa religion, avec les preuves évidentes qui sont dans le Coran et dans la Sunna authentique de son prophète alayhi wasallam. Al-ilmu, il dit alors, al-oula al-ilmu, wa huwa ma'rifatullahi. On a le terme al-ilm et on a le terme al-ma'rifa. Al-ilmu, hein, c'est un des aspects qui est donné à Allah subhanahu wa ta'ala, car on dit Allah est alim et Allah est alim parmi les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ma'rifa, c'est aussi la connaissance, mais c'est une connaissance qui a été précédée par une ignorance. C'est une chose qu'on a appris qu'on ne connaissait pas, et c'est pour ça qu'on ne dit pas Allah alif, on dit Allah alim. Mais l'être humain, la créature, on peut dire ya'lam wa ya'raf. Les deux termes sont bons pour lui. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, on dit Allah ya'lam. Allah alim, wal insan ya'lam wa ya'raf. Fal ma'rifa, c'est toute connaissance qui a été précédée par une ignorance. C'est pour ça qu'on doit connaître Allah, on doit être amené à connaître Allah parce qu'on le connaît. On est amené à connaître son prophète quand on ne le connaît pas, à connaître les règles de l'islam quand on ne les connaît pas. Des choses qu'il faut apprendre. Et nous, on peut dire, celles-là, je les connais déjà de moi-même. Non, il faut que tu les apprennes si tu veux vraiment les connaître. Donc, « وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ » مَعْرِفَةُ اللَّهِ, car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui a pourvu à ta subsistance. Et c'est lui qui t'a donné tous les bienfaits, qui t'a donné toutes choses. Donc tu dois chercher à le connaître et à le remercier. Cheikh Ben Baz dit dans son commentaire, « هذه المسائل » Je dis en arabe pour que vous vous habituiez déjà au terme arabe et pour aussi pour que ça nous aide à nous tous à approfondir notre connaissance dans le vocabulaire arabe. هذه المسائل يجب أن يتعلمها المؤمن والمؤمنة صغارا وكبارا. Ces points-là essentiels, il est un devoir à chaque croyant et chaque croyante de les apprendre, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. فعلى الإنسان أن يتعلم ويتبصر حتى يكون على بينة. L'homme doit apprendre et doit ouvrir ses yeux à cette connaissance-là et à cet apprentissage jusqu'à qu'il soit sûr, une preuve évidente. Au moins, si tu suis quelque chose, tu le suis, mais pas aveuglément, mais avec une preuve évidente. وَيَعْرِفْ دِينَ اللَّهِ الَّذِي خُلِقَ مِنْ أَجْلِهِ. Et qu'il connaisse la religion d'Allah pour laquelle il a été créé. وَهَذَا الْعِلْمِ. Et cette science et cette connaissance, هُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ. C'est la connaissance d'Allah. Et c'est pour ça que l'auteur, il a dit Al-Ula al-ilm wa huwa ma'rifatu Allahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu din al-islami bil adillati. Donc Ben Baz continue dans son commentaire en disant wa huwa ma'rifatu Allah, la connaissance d'Allah, wa ma'rifatu nabiyyihi, et la connaissance de son prophète, wa ma'rifatu din al-islami bil adillati, et de connaître la connaissance de la religion islamique avec les preuves. فَهَذَا أَوَّلُ شَيْءٍ. Ceci est la première chose. أَنْ يَتَبَصَّرَ الْعَبْدِ. Que le serviteur apprenne, ouvre à ouvrir les yeux et à être sur une clairvoyance. مَنْ هُوَ رَبُّهُ. Qui est son Seigneur. فَيَعْرِفْ أَنَّ رَبَّهُ الْخَالِقَ الَّذِي خَلَقَهُ. Il sait que son Seigneur est le Créateur qui l'a créé. ورزقه, et qui lui a pourvu. وأسدى إليه النعم, et qui lui a donné les bienfaits. وخلق من قبله, et qui l'a créé avant lui. C'est-à-dire avant que tu sois, Allah a créé des gens et a créé des créatures avant toi. ويخلق من بعده, et qu'il crée après lui. هو رب العالمين, c'est le Seigneur des mondes. وأنه الإله الحق, et c'est le Dieu véridique, en vérité, المعبود, qui est adoré, الذي لا يستحق العبادة سواه أبدا, dont personne d'autre n'a le droit d'être adoré. Personne n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. لا ملك مقرب, ni un ange rapproché. ولا نبي مرسل, ni un prophète qui a été envoyé. ولا جن, et ni un djinn. ولا إنس, et ni un être humain. ولا صنم, et ni une idole ou une statue. ولا غير ذلك, et ni autre chose. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré lui seul, sans associé. بل العبادة حق لله وحده. Mais en plus de cela, l'adoration est un droit pour Allah lui seul. فهو المعبود بحق, c'est lui qui est adoré en vérité. وهو المستحق بأن يعبد, et c'est lui qui est en droit d'être adoré. وهو رب العالمين, et c'est le Seigneur des mondes. وهو ربك وخالقك وإلهك الحق سبحانه وتعالى, et c'est ton Seigneur et ton Créateur et ton Dieu en vérité, qu'il soit glorifié. فتعرف هذه المسألة الأولى, donc tu connais ce premier point. وهي أن تعرف ربك, c'est de connaître ton Seigneur. ونبيك, et ton prophète. ودينك, et ta religion. بالأدلة, avec les preuves. قال الله وقال الرسول, Allah a dit et le messager a dit, لا بالرأي, ce n'est pas avec l'opinion. ولا بقول فلان, ni avec la parole d'un tel. C'est ça qui est demandé à connaissance. قال الله قال الرسول, ce n'est pas une opinion, une telle opinion ou je ne sais pas quoi, ou un tel a dit. بل mais بالأدلة من الآيات والأحاديث, mais avec les preuves, hein, des versets et des hadiths. وذلك هو دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه, et voici la religion de l'islam dont tu es obligé d'entrer dedans. والالتزام به, et de la mettre en pratique. وهو عبادة الله, et c'est l'adoration d'Allah, الذي قال فيها سبحانه وتعالى, dont Allah, qu'il soit glorifié, a dit, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. هذه العبادة هي الإسلام, cette adoration c'est l'islam, ouais, c'est la soumission, la vraie signification du terme islam, la soumission. وهي طاعة الله ورسوله, et c'est l'obéissance d'Allah et de son messager. والقيام بأمر الله وترك محارمه, et de s'acquitter de l'ordre d'Allah et de délaisser ses interdits. هذه هي العبادة, et voilà l'adoration. التي خلق الناس لأجلها, dont les gens ont été créés pour elle. C'est pour cette adoration que les gens ont été créés. وأمر الله بها الناس, et Allah en a ordonné les gens. في قوله, dans sa parole, يا أيها الناس اعبدوا ربكم, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. يعني, c'est-à-dire اعبدوه, adorez-le, بطاعة أوامره, avec par l'obéissance à ses ordres. واجتناب نواهيه, et l'éloignement de ses interdits. وإسلام الوجه له, et une soumission à lui. وتخصيصه بالعبادة, et de lui vouer une adoration exclusive pour lui, سبحانه وتعالى, qu'il soit glorifié. ومن ذلك, et l'auteur Ibn Abd al-Wahhab dit, ومعرفة نبيه, Ibn Baz continue dans son commentaire en disant, ومن ذلك أن تعرف نبيك, et en cela aussi il y a que tu connaisses ton prophète. وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام, et c'est Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, le Hashimite, le Quraishi, le Mekwa, puis le Médinois. Que la prière d'Allah et cette façon soit sur lui. فَتَعْرِفْ أَنَّهُ نَبِيُّكَ, donc tu sais qu'il est ton prophète. وَأَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ إِلَيْكَ بِدِينِ الْحَقِّ, et qu'Allah l'a envoyé vers toi avec la religion de vérité. يُعَلِّمُكَ, il t'enseigne. وَيُرْشِدُكَ, et il te guide. فَتُؤْمِنْ بِأَنَّهُ رَسُولَ اللَّهِ حَقًّا, donc tu crois, tu es convaincu qu'il est le message d'Allah en vérité. وَأَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ, للعالمين جميعا من الجن والإنس et qu'Allah l'a envoyé vers tous les mondes parmi lesquels les djinns et les hommes وأن الواجب اتباعه et qu'il est obligatoire il est un devoir de le suivre والسير على منهاجه et de suivre sa voie وسيأتي تفاصيل هذا في الأصل الثالث من الأصول الثلاثة il dit et on verra cela en plus grand détail dans le troisième fondement c'est-à-dire dans la troisième partie de cet ouvrage-là qui sont les trois fondements essentiels donc de là la connaissance de son prophète alayhi salam c'est là qu'on voit l'importance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam car tant qu'on est au degré de faire précéder ou de donner priorité à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam des voix quelconques ou des opinions quelconques ou de suivre n'importe quelle personne et quelle que soit cette personne c'est qu'on n'a pas encore connu le prophète alayhi wa sallam aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est une chose mais il faut l'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala car le seul être qu'on doit aimer pour lui-même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, tu l'aimes pour quoi? Tu l'aimes pour lui-même. Amma autre qu'Allah, tu l'aimes pour Allah. Et c'est ça le vrai amour. Alors que si tu l'aimes pour sa personne, ou pour sa fonction, ceci n'a aucune valeur. Abu Talib aimait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça lui a ramené quelque chose? Est-ce que ça l'a poussé à suivre l'islam? À suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Non, il aimait parce que c'était son cousin. C'était son neveu. Hein? Les Arabes de Quraysh aimaient. Ils aimaient sa droiture. Ils aimaient beaucoup de comportements qu'avait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'ont-ils aimé pour Allah? Ont-ils aimé l'islam avec lequel il est venu? Ceci non. Donc combien disent aime Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Mais est-ce qu'il l'aime pour sa personne ou il l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala ou il l'aime pour l'islam et l'élévation qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné car si on connaissait vraiment qui était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous le prendrons comme exemple et nous le suivrons convenablement et comme il se le doit et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'attend de nous donc c'est qu'il y a toujours un problème de ce côté-là, c'est qu'on ne connaît pas vraiment et convenablement notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est très grave. Et on doit en avoir les yeux ouverts. Donc, et il dit Al-thaniyatu al-amalu bihi. Deuxièmement, la mise en pratique de cette connaissance, de cette science. Et Mais Ben Baz continue dans son commentaire c'est-à-dire que tu mettes en pratique cette religion min salatin wa sawmin wa jihadin wa hajjin wa iman wa taqwa comme salat comme jeûne comme jihad comme hajj comme iman la foi wa taqwa la piété wa ta'mal bil islam liannaka makhluqun lahu donc tu mets en pratique l'islam car tu as été créé pour cela مخلوق لعبادة الله tu as été créé pour l'adoration d'Allah فعليك أن تعلم وتعمل به donc tu dois le connaître et de ta famille إلى غير ذلك et bien d'autres choses فتعمل بما أمرك الله به tu mets en pratique ce qu'Allah t'a ordonné وتنتهي عما نهاك الله عنه et tu t'abstiens de ce qu'Allah t'a interdit وتترك المعاصي et tu délaisses les péchés التي أنت منهون عنها dont il t'est interdit de faire وتفعل الواجبات et tu t'acquittes des obligations التي أنت مأمور بها dont tu es obligé de t'acquitter الثالثة الدعوة إليه donc il nous a continué dans son ouvrage الثالثة la troisième chose c'est l'appel et la propagande et l'invitation à cette connaissance et à cette pratique que tu viens de faire qui est l'islam et qui sont les trois fondements de l'islam donc le cheikh Ben Baz continue dans ce commentaire il dit ay an tad'u ila hadha ad-din C'est-à-dire que tu appelles à cette religion. Tu conseilles aux gens qu'ils restent droits dans cette religion. Et tu les guides, et tu les diriges, et tu leur ordonnes le convenable, et tu leur interdis le blâmable. Voilà l'appel et le prêche à la religion de l'islam. Donc il est un devoir pour chaque musulman et musulmane d'appeler et d'inviter à Allah, hasba taqatih, d'après ses moyens et de ce qu'il peut et de ses capacités, wa ilmihi, et d'après ses connaissances. فَكُلُّ وَاحِدْ رَجُلٌ أَوْ إِمْرَأَةٌ. Donc tous, qu'ils soient hommes ou femmes, عَلَيْهِ قِسْطٌ مِنْ هَذَا الْوَاجِبِ, il a une part de cette obligation, مِنَ التَّبْلِيغِ وَالدَّعْوَةِ وَالْإِرْشَادِ وَالنَّصِحَةِ, de transmettre et d'appeler et de diriger et de conseiller. وَيَدْعُوَا إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ, et qu'il invite et qu'il appelle à l'unicité d'Allah. وَإِلَى الصَّلَاةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا, et à la salat, et d'être de toujours continuer à faire la prière. Voilà, c'est ça. Et à la salat, et à l'assiduité à cette prière. Wa ila zakat wa ada'iha, il va à la zakat et de s'en acquitter. Wa ila sawm ramadan, et au jeûne du mois de ramadan. Wa hajj al bayt ma'a al isfa'a, et le pèlerinage à la maison sacrée quand il y a possibilité. Wa ila birri al walidain, et à l'obéissance des parents. Wa salat al arham, et de rendre visite à la famille. Wa tark al ma'asi kulliha, et le délaissement de tous les péchés. Tous ces domaines-là et bien d'autres domaines qui touchent à l'islam, le musulman, il dit, c'est un devoir pour lui et aussi à la musulmane d'appeler les gens à cela, et tout ceci d'après ses capacités et d'après ses connaissances. Al-rabi'atu as-sabru 'ala al-adhafihi. Et le quatrième point, c'est la patience et l'endurance sur le mal par lequel on est touché dans cette voie-là. Et dans cette religion, c'est-à-dire il patiente, il endure sur le mal qui le touche dans ces domaines-là. Car il se pourrait que l'homme soit touché par un mal. Il se pourrait qu'il soit fatigué après s'être efforcé d'appeler quelqu'un jusqu'à qu'il pense que c'est même plus la peine de continuer. Il s'est vraiment fatigué, et ça c'est un mal par lequel il est touché. Min ahlihi aw ghayrihim, que ce soit quelqu'un de sa famille ou autre. Fal wajib as-sabr, donc si le devoir qu'il lui demande à ce moment-là, c'est de patienter et d'endurer. Wa ihtisab al-ajr 'inda Allah, et d'attendre la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fal mu'min yasbiru 'ala imanihi billah, le croyant patiente et endure sur sa foi en Allah. ويصبر على العمل بما أوجب الله عليه, et il patiente, il endure dans la pratique de ce qu'Allah lui a rendu obligatoire. وترك ما حرم الله عليه, et de délaisser ce qu'Allah lui a interdit. ويصبر في الدعوة إلى الله, et il patiente dans le prêche à Allah سبحانه وتعالى. والتعليم, dans l'enseignement. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, et dans le fait d'ordonner ce qui est convenable et d'interdire ce qui est blâmable. Fala budda min as-sabr, il faut absolument de la patience. Fi hadhihi al-umuri kulliha, dans tous ces domaines-là. Fad-din kulluhu yahtaju ila sabr, la religion tout entière elle a besoin de patience. Sabrin ala da'wati Allah wahdah, une patience dans le prêche à l'unicité d'Allah seul. Wa sabrin ala an tusalli, et une patience dans pour que tu pries. et que tu donnes la zakat, wa tuzakki, et tu donnes la zakat, wa tasoum, et que tu jeûnes, wa tahujj, et que tu fasses le pèlerinage, wa ta'mur bil ma'ruf, et que tu ordonnes le convenable, wa tanha 'anil munkar, et que tu interdis le blâmable, wa sabr 'anil maharim, et une patience dans les interdits, sur les interdits, wa sayyi'at, et sur les péchés, wa tahdhar min qurbiha, donc tu t'éloignes et tu fais attention de t'approcher de ces choses-là. فَالْإِنْسَانُ إِذَا لَمْ يَصْبِرْ, car si l'homme ne patiente pas, وَقَعَ فِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ, il tombera dans ce quoi Allah lui interdit. أَوْ تَرَكَ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, ou il délaisse ce qu'Allah lui a ordonné. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَ لِرَسُولِهِ, et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son messager, فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. C'est-à-dire, endure, c'est un discours envers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, endure donc comme ont enduré les messagers doués de fermeté. Wa qala subhanahu, et le très glorifié a dit, wasbir li hukmika, wasbir li hukmi rabbika, fa innaka bi a'yunina. Et Allah dit, et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité, tu es sous nos yeux. Wa qala ta'ala, et le très haut a dit, wasbir, wa ma sabruka illa billah. Ce qui veut dire, endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Wa qala ta'ala, et le trou a dit, innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Ce qui veut dire, et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Wa qala ta'ala, et le trou a dit, wasbiru inna Allaha ma'a as-sabirin. Et le Très-Haut a dit, et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Donc nous voyons dans tous ces versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande aux croyants d'être endurants et d'avoir de la patience. Car sans patience et sans endurance, comme dit le Cheikh, hein, on ne peut rester ferme dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce bas monde, on a besoin de ces choses-là. Et on sait comme c'est dur. C'est pas facile. L'endurance et la patience, c'est des choses qui ne sont pas faciles. Et c'est un travail quotidien que le musulman doit avoir. Donc le cheikh continue dans son commentaire. Il dit, يعني اصبروا على طاعة الله وترك معصيته. C'est-à-dire, soyez endurants dans l'obéissance à Allah et le délaissement de sa désobéissance. واحذروا مخالفة أمره. Et faites attention, hein, d'aller à l'encontre de son ordre, wartika binahye, hein, et de toucher à son interdiction. Et Mohammed ibn al-Wahhab continue dans son texte en disant, wa dalil qawluhu ta'ala bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc le cheikh continue dans ce commentaire Ibn Baz, وهذا هو الدليل على هذه المسائل الأربعة. Et voilà la preuve, hein, de ces quatre points essentiels qui sont العلم والعمل والدعوة والصبر. ففي هذه السورة العظيمة الحجة لهذه الأمور. Et dans cette grande sourate, il y a la preuve sur ces choses, sur ces domaines-là. وهذا هو الدين كله. Et voilà la religion complète. فالدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر. Car la religion tout entière, c'est quoi? C'est la foi, c'est la pratique, c'est le prêche et c'est la patience et l'endurance. إيمان بالحق, une foi en la vérité. وعمل به, et une pratique. ودعوة إليه, et un appel, une prêche à cela. وصبر على الأذى فيه, et une patience dans ce chemin-là. والناس كلهم في خسارة, et tous les gens vont à leur perdition. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات, sauf ceux qui ont cru et qui ont fait bonnes œuvres. أي الذين استثناهم الله, c'est-à-dire ceux qu'Allah a épargné. فجميع بني آدم في خسران, tous les fils d'Adam sont perdus, sont dans la perdition. وعلى طريق الهلاك, et sont dans, sur le chemin de la perte et de l'anéantissement. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات, sauf d'entre eux ceux qui ont cru et qui ont fait bonnes œuvres. وتواصوا بالحق, et qui se sont conseillés mutuellement la vérité, c'est-à-dire qu'ils ont ordonné le convenable et interdit le blâmable. وتواصوا بالصبر, et qui se sont conseillés mutuellement l'endurance et la patience. فهؤلاء هم الرابحون, voilà ceux qui ont gagné. وهم السعداء, et voilà ceux qui sont heureux. وقد أقسم الله على هذا بقوله, et Allah a juré sur cela par sa parole, والعصر, par le temps. العصر, les commentateurs ont essayé de l'expliquer. العصر, qu'est-ce que Allah, lorsqu'il a juré par le temps, qu'est-ce qu'il entend par cela? Certains ont dit والعصر, c'est-à-dire l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est l'époque où le dernier des prophètes et la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé. L'autre entend dire que c'est le temps et tout temps qui est concerné. Et d'autres ont dit que c'est la prière de l'Asr qui est concernée. Allah jure par le temps de la prière de l'Asr. Car même si là il y a aussi divergence entre les savants sur la prière médiane, Salatul Wusta, c'est la prière à laquelle parce que les anges, on a deux groupes d'anges, ceux qui viennent, qui assistent aux prières avec les gens, et dans la journée, et une fois ils sont deux groupes et ils s'échangent, il y a une relève qui se fait, et cette relève elle se fait au moment de l'Asr et au moment de l'Fajr. Donc, et cette prière médiane, et parce qu'Allah a dit حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, soyez constants au salat et à la salat médiane. Donc, parce que quand il a dit soyez constants aux prières, la prière médiane elle rentre dedans. Mais puisqu'après la prière médiane elle a été citée, c'est vraiment pour c'est pour son importance. D'accord? Donc, là, les savants ont dit, certains ont dit, c'est ça, c'est le Fajr, la prière médiane. Parce que tu as Al-Maghrib ou Al-Isha, après tu as le Fajr, et après tu as Al-Dhuhr ou Al-Asr. D'autres ont dit, c'est la prière de l'Asr. Parce que tu as Al-Fajr et Al-Dhuhr, après tu as Al-Asr, et après tu as Al-Maghrib et Al-Isha. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Mais le Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah, il dit que, d'après la recherche de ceux qui ont essayé de savoir elle était où la vérité dans cette divergence-là, il dit que la plupart des muhaqqiqin, de ceux qui ont fait la recherche, disent que c'est la salat al-asr. Puis c'est un domaine dont où il y a, il faut savoir qu'il y a divergence, quelle est la prière médiane, c'est soit Salat al-Fajr, soit Salat al-Asr. Donc ça c'était pourquoi, pour expliquer quand Allah il jure par al-Asr, qu'est-ce qu'on entend par al-Asr. Mais là on va le traduire par le temps. Par le temps, et qui est aussi une bonne traduction. Donc Allah jure par le temps. وهو الصادق سبحانه وتعالى يا الله glorifié soit-il le très haut et le véridique وإن لم يقسم même s'il ne jure pas. Allah n'a pas besoin de jurer pour être véridique. Allah il est véridique. ولكن أقسم لتأكيد المقام il a juré pour renforcer le sens comme quoi l'homme va vers sa perdition, va vers son anéantissement sauf ceux qu'Allah a cités. والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه et Allah glorifié soit-il jure par qui il veut parmi ses créatures فلا احد يتحجر عليه personne ne peut lui en vouloir ou lui reprocher quelque chose en cela فاقسم بالسماء ذات البروج il a juré dans la sourate والسماء ذات البروج واقسم بالسماء والطارق Il a juré dans la sourate Was-Sama'i Wat-Tariq, wa bid-Duha, et dans la sourate Wad-Duha, wa bish-Shamsi Wad-Duhaha, et dans la sourate Wash-Shamsi Wad-Duhaha, et dans wa bil-Layli Idha Yakhsha, et dans la sourate Wal-Layli Idha Yakhsha, wa bin-Nazi'at, et dans la sourate Wan-Nazi'ati Gharqa, wa ghayr dhalika, et dans bien d'autres. لأن المخلوقات تدل على عظمته car les créatures prouvent et montrent sa grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala annahu subhanahu wal mustahiq lil ibadah et qu'il est glorifié soit-il celui qui est en droit d'être adoré. Wa li bayani 'idami sha'ni hadhihi al makhluqat et pour montrer la grandeur de ces créatures. التي تدل على وحدانيته qui démontre et qui prouve son unicité وأنه المستحق للعبادة وحده et qu'il est le seul en droit d'être adoré lui seul sans associé وأما المخلوق mais la créature فليس له أن يقسم إلا بربه il n'a le droit de jurer que par son Seigneur فلا يقسم ولا يحلف il ne jure pas إلا بالله سوف سنسمي par Allah ولا يجوز له أن يحلف بالأنبياء et il lui est interdit et ne lui est pas permis de jurer par les prophètes ولا بالأصنام ni par les idoles ولا بالصالحين ni par les saints ولا بالأمانة ولا بالكعبة ni par الأمانة comment pourrait-on traduire الأمانة ni par le dépôt ni par la كعبة ولا بغيرها ni par autre chose si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala il n'a le droit de jurer que par Allah هذا هو الواجب على المسلم c'est ce qui est obligatoire pour le musulman لقول النبي صلى الله عليه وسلم il a été rapporté par la parole du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit من حلف بشيء دون الله فقد أشرك celui qui jure par une chose autre que Allah il a fait du polythéisme. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. L'imam Ahmed l'a rapporté avec une chaîne de narrateur authentique. Ça c'est la parole d'Ibn Baz. حفظه الله. وقال عليه الصلاة والسلام. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Celui qui doit jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. رواه الإمام البخاري ومسلم. Rapporté par Bukhari ou Muslim. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله. Donc chaque musulman et chaque musulmane, il leur est un devoir de faire attention de ne pas jurer par autre que Allah. وأن تكون أيمانهم كلها بالله. Et que toute fois qu'ils veulent jurer, que ça ne soit que par Allah, wahdahu subhanahu wa ta'ala, lui seul qu'il soit glorifié. قال الشافعي رحمه الله. L'imam Shafi'i, c'est le grand imam qui est né en l'an 150 de l'Hégire et qui est mort en l'an 204 de l'Hégire. C'est un des élèves de l'imam Malik et c'est un des professeurs. De la tribu de Quraysh. Donc, à un certain point de son ascendance, il rejoint l'ascendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est né à Gaza, en Palestine. Et tout petit, sa mère l'emmena dans le Hijaz, pas loin de la Mecque. Et c'est là-bas qu'il grandit et c'est là-bas qu'il étudia. Il est très connu pour sa poésie et pour sa grande connaissance dans le domaine religieux. Et dans l'ordre, il fut le troisième grand imam et fondateur de l'école Shafi'it, après l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik ibn Anas. Il s'appelle Muhammad ibn Idris. Il s'appelle Muhammad, fils d'Idris. Donc, قال الشافعي رحمه الله, Imam Shafi'i dit, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Si Allah n'avait fait descendre que cette sourate comme preuve et comme argument sur ses créatures, ça leur aurait suffi. Ça leur aurait suffi. Tout cela aurait été suffisant. Car dans cette sourate, il y a tout l'islam. Donc, Cheikh Ben Baz dit, يقول رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وفي رواية dans une autre version لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم, c'est-à-dire si les gens, que l'imam Shafi'i a dit dans une autre version, si les gens réfléchissaient sur cette sourate, elle leur suffirait. أي لو نظروا فيها, c'est-à-dire si ils regardaient dans cette sourate وتأملوا إيه كلا مديت فكانت كافية في إلزامهم الحق. Elle aurait été suffisante pour leur ordonner pour qu'ils s'attachent à la vérité. وقيامهم بما أوجب الله عليهم إيه de s'acquitter de ce qu'Allah leur a ordonné. وترك ما حرمه عليهم et de délaisser ce qu'Allah leur a interdit. لأن الله بين أن الذين آمنوا لأن الله بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون. Car Allah a démontré que ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres et qui se sont conseillés mutuellement la vérité et qui se sont conseillés mutuellement la patience, ce sont eux qui ont gagné. هم الرابحون, c'est eux qui ont gagné. ومن سواهم خاسر, et tout autre est perdant. وَهَذِهِ حُجَّةٌ قَائِمَةٌ, et voilà une preuve bien claire à la وُجُوبِ التَّوَاصِي, qui démontre l'obligation hein, du conseil mutuel. وَالتَّنَاصُحُ, qui est un synonyme, التَّوَاصِي وَالتَّنَاصُحُ, c'est le conseil. وَالْإِيمَانُ وَالصَّبْرُ, et la foi et la patience. وَالصِّدْقُ, et la véracité. وَأَنَّهُ لَا طَرِيقَ لِلسَّعَادَةِ وَالرِّبْحِ, et qu'il n'y a pas de chemin hein, pour la félicité et pour la félicité et pour gagner il la bihadi sifat al arba, si ce n'est avec ces quatre aspects qu'on vient de voir qui sont cités dans cette sourate. Iman sadiq billahi wa rasulih, une foi véridique en Allah et son messager. Wa amal salih, hein, et une pratique, une bonne pratique, une pratique pieuse. وَتَوَاصِنْ بِالْحَقْ, hein, et un conseil mutuel dans la vérité, c'est-à-dire ordonner le convenable et interdire, désapprouver le blâmable. وَتَوَاصِنْ بِالصَّبْرِ, et le conseiller mutuellement la patience et l'endurance. وقال البخاري رحمه الله تعالى إمام البخاري. Je pense que vous avez, on avait déjà préparé un cours sur sa vie. Je crois que tous, vous avez tous assisté. Inch'Allah, vous l'avez tous écouté lorsqu'on a cité sur la vie de l'imam Bukhari, qui est Abu Abdillah, le père de Abdullah, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, qui est originaire de Bukhara, qui est en Asie centrale, en Ouzbékistan, près de la grande ville connue, célèbre, Samarkand. Il est né en l'an 194 de l'Hégire et mort en l'an 256 de l'Hégire. Il est mort à l'âge de 62 ans et plusieurs mois. C'est l'auteur du livre l'authentique, le Sahih, Sahih al-Bukhari, le plus véridique livre écrit, le plus véridique livre après celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'imam al-Bukhari dit, bab, chapitre, al-ilm qabla al-qawli wal-amali, hein, la connaissance, la science avant la parole et l'acte. والدليل قوله تعالى et la preuve, l'argument, c'est la parole du Très-Haut. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Sache qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et demande pardon et demande vie pardon. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Il a commencé par, il a fait précéder la connaissance avant la parole et l'acte. فَالْإِنسَانْ عَلَيْهِ نَتَعَلَّمَ أَوَّلًا ثُمَّ يَعْمَلْ. Ibn Baz, en commentant cela, il dit, l'homme, le musulman, la musulmane, doit tout d'abord apprendre, puis mettre en pratique. فَيَتَعَلَّمْ دِينَهُ. Il apprend sa religion. وَيَعْمَلْ عَلَى بَصِيرَةٍ. Et il met en pratique avec clairvoyance. وَاللَّهُ أَعْلَمْ. Et Allah est le plus savant. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله